Enseignement par le Vénérable Sayadaw Unanujota, retraite de méditation Vipassana, Centre d'Amarancy, 2021. Yajuma de Bogwaj. Yajuma de Bogwaj. Yajuma de Bogwaj. Yajuma de Bogwaj. Nous allons parler aujourd'hui de la façon dont il faut pratiquer Vipassana en suivant la méthode du très vénérable Mahasi Sayadaw. Dans cette tradition, l'objet primaire d'attention, ce sont les mouvements de l'abdomen. Lorsque vous inspirez, votre abdomen va se dilater, se gonfler, et vous devez observer ce mouvement de dilatation. Lorsque vous expirez, l'abdomen va s'abaisser, et de nouveau, c'est ce mouvement d'abaissement que vous devez observer et étiqueter mentalement en répétant doucement « abaissement ». Si vous réussissez à noter ces deux mouvements chaque fois qu'ils ont lieu, votre esprit ne vagabondera plus. Les nouveaux yogis ne pourront peut-être pas ressentir facilement ces deux mouvements. Ils peuvent alors placer la paume de la main sur l'abdomen pour mieux les ressentir. Ils pourront ainsi mieux sentir le mouvement de soulèvement qui se produit à l'inspiration et le mouvement d'abaissement qui se produit à l'expiration. La respiration doit être naturelle. Il est inutile de vouloir la forcer. Si vous essayez de modifier la respiration parce que vous ne ressentez pas facilement les mouvements, vous allez vous fatiguer. Après une ou deux minutes, vous serez très fatigué. Donc évitez de faire cela, observez la respiration et les mouvements tels qu'ils se manifestent naturellement. Lorsque vous inspirez, vous ressentez le mouvement de soulèvement de l'abdomen. Lorsque vous expirez, vous ressentez le mouvement d'abaissement de l'abdomen. Si vous ne ressentez pas ces mouvements ou qu'ils ne sont pas clairs, vous pouvez mettre votre main sur l'abdomen de façon à mieux les ressentir. Essayez d'observer de façon pénétrante ces deux mouvements. Vous devez être entièrement impliqué dans cette observation. Lorsque vous observez le mouvement de soulèvement, vous devez essayer de le faire du début à la fin. Vous attrapez ce mouvement dès son point de départ et vous maintenez votre attention jusqu'à ce qu'il se termine. Et c'est la même chose pour le mouvement d'abaissement. Essayez de l'observer du début à la fin. Attrapez le mouvement dès son point de départ et maintenez votre attention très vigilante jusqu'à ce que le mouvement se termine. Vous devez être entièrement impliqué dans cette observation. Il est possible qu'alors que vous êtes occupé à observer les mouvements de l'abdomen, votre esprit s'envole. Il s'est mis à vagabonder. Votre attention n'est plus sur l'abdomen, l'esprit s'est mis à penser. Si c'est le cas, vous devez savoir que vous êtes occupé à penser. Vous devez être conscient de cet esprit qui pense. Il est possible, que, par exemple, que vous vous soyez mis à penser à votre famille, à votre travail, à des amis. Si c'est le cas, vous devez simplement noter « penser, penser ». Vous ne devez pas chercher à savoir à qui vous pensez. Vous ne devez pas vous investir dans cette pensée. Vous notez simplement le processus de la pensée. Et vous revenez ensuite au mouvement de l'abdomen. Donc, si vous pensez pendant la méditation que votre esprit n'est plus sur l'abdomen, vous devez prendre conscience que vous êtes en train de penser, vous répétez mentalement « penser, penser » et vous revenez tout de suite à l'abdomen. Il est possible également que vous voyez certaines personnes en imagination. Vous devez alors noter « voir, voir ». Vous notez ainsi « voir, voir » deux ou trois fois. Et vous revenez ensuite à l'abdomen. Il est possible que vous ne voyez pas tout de suite que vous êtes occupé à penser, ou que vous voyez quelqu'un en imagination, ou que vous entendez quelqu'un. Vous ne verrez cette pensée vagabonde ou cette image qu'après un certain temps. Vous devez alors noter 3, 4 ou même 5 fois, voir, voir, et si vous parlez à quelqu'un, parlez, parlez, et ensuite vous revenez à l'abdomen. Si vous vous sentez heureux, vous devez également noter cet état d'esprit. Vous répétez 4 ou 5 fois, heureux, heureux, heureux. Et ensuite, vous revenez à l'abdomen. Si vous vous sentez fâché, vous devez noter cet état d'esprit également. Vous répétez 4 ou 5 fois, fâché, fâché, fâché. Et ensuite, lorsque l'état d'esprit a disparu, vous revenez à l'abdomen. Et vous notez de nouveau, soulèvement, abaissement. Les yogis qui débutent dans la pratique auront certainement beaucoup de pensées. Ils doivent donc s'entraîner à voir ces pensées le plus rapidement possible. Ils notent alors pensée, pensée. Après être resté assis pendant un certain temps, il est fort probable que vous commenciez à ressentir des sensations désagréables quelque part dans le corps. Il faudra noter ces sensations désagréables également. Vous devez vous concentrer sur ces douleurs, les observer attentivement et les étiqueter mentalement. Après un certain temps, il est possible qu'elles s'atténuent ou qu'elles disparaissent. Si vous ressentez des sensations d'engourdissement quelque part dans le corps, par exemple parce que vous êtes assis depuis un certain temps, vous devez noter cette sensation d'engourdissement en répétant mentalement « engourdissement, engourdissement ». Si vous ressentez des sensations de chatouillement, vous répétez mentalement « chatouillement, chatouillement » et vous le faites pendant un certain temps. Vous notez ainsi jusqu'à ce que cette sensation de chatouillement ait disparu. Ensuite, vous revenez au mouvement de l'abdomen. Il est possible que la douleur ne disparaisse pas. Vous devez continuer à l'observer en répétant mentalement « douleur, douleur » ou « désagréable, désagréable » et vous devez le faire jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Il est possible que cela prenne un certain temps. Vous ne verrez pas la sensation douloureuse disparaître directement. Vous devrez continuer à la noter attentivement jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Et ensuite, vous revenez au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Il est possible que cette sensation douloureuse devienne intense et que ce soit difficile pour vous de continuer à l'observer. Mais vous devez cependant faire un effort pour continuer à observer. Essayez de poursuivre votre observation, continuez à la noter sans bouger. Essayez de maintenir votre observation le plus longtemps possible. La sensation douloureuse va peut-être devenir si intense qu'il ne vous est plus possible de l'observer. Vous allez alors voir apparaître dans votre esprit l'intention de changer de posture. Vous voulez changer de posture. Vous devez noter cette intention avant de changer. Vous commencez donc par noter l'intention de changer de posture, c'est un processus mental, et ensuite seulement, vous observez le corps qui se met en mouvement, et vous observez attentivement tous les mouvements. Vous changez de posture après avoir noté l'intention, mais vous changez avec attention, de façon très concentrée. Lorsque vous changez de posture, à cause de la douleur qui est devenue intolérable, vous pouvez le faire, mais vous devez le faire en observant attentivement le moindre petit mouvement du corps. Par exemple, vous étendez la jambe, vous avancez le bras, etc. Sachez qu'il est tout à fait normal pour un yogi d'expérimenter des sensations désagréables pendant la méditation. Nous devons observer cette sensation désagréable le plus longtemps possible. Votre concentration ne pourra se développer que si vous observez attentivement la sensation désagréable. Plus vous observez la douleur, plus votre concentration se développe. Vous devrez faire preuve de patience lorsque vous serez confronté aux sensations désagréables. Si vous faites preuve de patience avec les douleurs, vous pourrez très vite réaliser les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux. Pendant la méditation assise, vous aurez sans doute également des sensations par le nez, par l'oreille, par la langue, par le corps. Vous devez noter tous ces phénomènes, tous ces contacts sensoriels. Vous avez les yeux fermés, mais vous êtes susceptible, malgré tout, de voir certaines choses en imagination. Si c'est le cas, vous devez noter ces visions. Vous notez 4 ou 5 fois, voir, voir, voir, jusqu'à ce que cette vision ait disparu. Ensuite, vous revenez au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. C'est la même chose avec les sons. Il est possible qu'en méditation assise, vous entendiez toutes sortes de sons. Que ce soit des sons intérieurs ou des sons extérieurs, vous devez les noter. Vous devez prendre conscience que vous êtes en train d'entendre. Vous notez, entendre, entendre, jusqu'à ce qu'ils aient disparu. Et ensuite, vous revenez au mouvement de l'abdomen. Et si vous sentez des odeurs, c'est la même chose. Vous devez noter, sentir, sentir. En résumé, pendant la méditation assise, vous devez noter tout ce qui se manifeste à chaque instant. Tous ces phénomènes doivent être notés. Ne vous occupez pas des sons qui se prolongent, des sons qui constituent une espèce de bruit de fond. Vous les ignorez. Et c'est la même chose pour les odeurs. Il est possible qu'il y ait des odeurs qui restent là pendant toute la journée. Vous ne devez pas les noter. Ignorez-les. Concentrez-vous davantage sur l'objet primaire. Donc, si au cours de la méditation, vous entendez des bruits, mais qui sont récurrents, qui durent toute la journée, vous ne devez pas les noter, comme par exemple le chant des oiseaux. C'est la même chose pour les odeurs. Si elles sont là tout le temps, vous ne devez pas les noter. Vous vous concentrez simplement sur l'objet primaire. Ceci suffit pour les instructions en méditation assise. Après une heure de méditation en posture assise, le méditant va passer à la marche. Il va alterner ainsi la méditation en posture assise et la méditation en marche. Lorsqu'il pratique la marche, il se focalise sur la jambe. Vous commencez par faire une note à chaque pas. Lorsque le pied gauche se déplace, vous notez gauche. Lorsque le pied droit se déplace, vous notez droite. Vous faites ainsi une note à chaque pas. Vous allez ainsi parcourir votre piste de marche en faisant chaque fois une note à chaque pas. Gauche, droite. Chaque fois que le pied gauche bouge, vous notez gauche. Chaque fois que le pied droit bouge, vous notez droite. Et pendant une demi-heure, vous allez pratiquer cette première méthode. Après 30 minutes, vous passez à la deuxième méthode et là, vous faites deux notes à chaque pas. Vous observez le mouvement au niveau du pied. La première note, c'est le mouvement d'élévation du pied. Le pied va s'élever et vous notez ce mouvement d'élévation. Lorsque vous faites la deuxième méthode, vous notez donc deux choses, le mouvement d'élévation du pied, vous observez attentivement le mouvement, et le mouvement qui consiste à placer le pied sur le sol, que vous observez attentivement également. Placer, c'est lorsque le pied prend appui sur le sol ou sur le plancher. Lever, c'est lorsque le pied s'élève. Donc, lorsque vous pratiquez la deuxième méthode, vous faites deux notes, lever, placer. Vous devez maintenir votre attention pendant toute la durée du processus. Lorsqu'il s'agit du mouvement d'élévation du pied, vous devez l'observer du début à la fin. Lorsqu'il s'agit du mouvement qui consiste à placer le pied sur le sol, vous devez également observer ce mouvement du début à la fin. L'esprit doit se synchroniser avec le mouvement. Il doit observer ces deux mouvements dans l'instant présent. Donc, vous allez pratiquer ainsi cette deuxième méthode pendant les 30 minutes restantes. Sayado répète encore une fois, vous consacrez la première demi-heure à la première méthode et la deuxième demi-heure à la deuxième méthode. Et vous devrez adopter ce programme pendant les deux premiers jours de la retraite. Ensuite, Sayado donnera des instructions complémentaires. Pour ce qui est de la piste proprement dite, vous devez vous choisir une piste sur laquelle vous pouvez faire une vingtaine de pas. La piste ne doit donc être ni trop longue ni trop courte. Il faut qu'elle ait à peu près une dizaine de mètres. Et vous devez faire des allers-retours sur cette piste. La piste de marche ne devrait donc pas être plus longue qu'une dizaine de mètres, ni plus ni moins. Et vous ne devez pas revenir par un autre chemin. S'il vous plaît, restez sur la même piste lorsque vous allez et lorsque vous revenez. Ne transformez pas cette marche en promenade. Lorsque vous atteignez la fin de la piste de marche, vous allez vous arrêter et observer la station debout. Vous notez 4 ou 5 fois « debout, debout ». Vous aurez ensuite l'intention de tourner. Vous notez cette intention et vous observez attentivement le mouvement de rotation. Vous vous retrouvez alors face à la piste de marche. Et vous notez de nouveau « debout, debout ». Vous êtes donc face à votre piste de marche, vous observez la station debout, vous notez 4 ou 5 fois « debout, debout » et ensuite vous recommencez à marcher sur la même piste. Vous faites donc des allers-retours sur la même piste. Vous recommencez à marcher et si vous en êtes encore toujours à la première méthode, vous notez « gauche, droite » comme il vient d'être expliqué. Si vous en êtes arrivé à la deuxième méthode, vous notez simplement lever, placer, et puis l'autre jambe, lever, placer. Donc vous faites pendant une demi-heure la première méthode de cette façon, et pendant la dernière demi-heure, vous faites la deuxième méthode en suivant ces instructions. Lorsque vous pratiquez la marche, vous ne devez pas faire des pas exagérément longs ou courts. Votre marche doit être naturelle. Il faudrait idéalement que la distance entre les deux pieds ne dépasse jamais la longueur du pied. Et lorsque vous pratiquez la deuxième méthode, soyez naturel également. Ne levez pas exagérément votre pied. Levez-le de façon normale. Lorsqu'on pratique la marche attentive, il faut éviter de se laisser distraire. Il ne faut pas regarder de tous côtés et il faut maintenir le regard dirigé vers le bas pour éviter d'être distrait. Gardez donc le regard dirigé vers le bas à 4 ou 5 mètres devant vous. Vous évitez de regarder tout autour de vous. Les mains doivent être maintenues soit devant l'abdomen, soit dans le dos. Il faut éviter de les laisser pendre le long du corps et surtout de les balancer. Il est important lorsqu'on pratique la marche de garder le regard dirigé vers le bas pour éviter d'être distrait. Si vous procédez ainsi, votre méditation en marche sera de bonne qualité. Votre attention devrait se focaliser sur les pieds. C'est de cette façon que le yogi va développer sa concentration. Quelles sont donc les instructions pour la méditation en marche? Vous allez diviser la séance de marche en deux parties. Pendant la première partie, vous faites une note à chaque pas. Pendant la deuxième partie, vous faites deux notes à chaque pas. Donc, si vous faites 45 minutes de marche, vous divisez en deux. Les 20 premières minutes, vous les consacrez à la première méthode. Les 20 dernières minutes, vous les consacrez à la deuxième méthode. Si vous faites une heure de marche, vous divisez en deux. 30 minutes pour la première méthode et 30 minutes pour la deuxième méthode. Ceci termine l'enseignement d'aujourd'hui qui portait donc sur les instructions pour la méditation en posture assise et en marche. Demain, nous allons parler de la façon dont il faut noter dans les activités quotidiennes et également de la façon dont il faut présenter ses expériences au moment de l'entretien. Sayadaw vous souhaite de bien pratiquer la méditation en posture assise et la méditation en marche en suivant ses instructions. Il vous souhaite de travailler de façon assidue et de développer rapidement la sagesse. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.